Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et aujourd'hui, on va vous raconter une catastrophe sanitaire, une histoire terrible, une catastrophe sanitaire doublée d'un désastre politique, le choléra en Haïti. C'est une histoire qui débute en 2010 et on va entendre la voix de Ban Ki-moon qui dirige l'ONU. Il présente ses excuses au peuple haïtien. C'était en décembre 2016. Écoutez-le bien, car tous les mots comptent, y compris d'ailleurs ceux qu'il ne prononce pas. Depuis des années, les Haïtiens doivent faire face à des épreuves et à des difficultés considérables. La pauvreté endémique, l'instabilité politique, sans oublier le tremblement de terre qui a dévasté le pays en 2010. L'épidémie de choléra qui a suivi n'a fait qu'aggraver la tragédie et exacerber les souffrances. Ces six dernières années, près de 800 000 personnes ont été touchées par le choléra et plus de 9 000 Haïtiens en ont péri. Laissez-moi, à ce stade, m'adresser directement au peuple haïtien. Les Nations Unies regrettent profondément les pertes en vies humaines et les souffrances causées par l'épidémie de choléra. Au nom des Nations Unies, je vais vous le dire très clairement. Nous nous excusons auprès du peuple haïtien. Nous n'avons tout simplement pas fait assez concernant l'épidémie de choléra et sa propagation en Haïti. Nous sommes profondément désolés pour notre rôle. On va revenir sur ces excuses un peu difficiles à comprendre pour une oreille qui n'est pas exercée, ces excuses de Ban Ki-moon. Bonjour Renaud Piarou. Vous êtes professeur à la faculté de médecine de Sorbonne Université, chercheur à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique et chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous publiez un ouvrage terrible et passionnant, Choléra Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre aux éditions du CNRS. Et tout d'abord, il faut nous rappeler ce qu'est le choléra. Le choléra, c'est une maladie infectieuse due à un microbe, une bactérie qui s'appelle Vibrio cholerae. Et ce microbe, quand il se trouve dans nos intestins, est capable de se fixer à la paroi et ensuite va déclencher des fuites d'eau, en quelque sorte d'eau salée, qui vont donner de la diarrhée, des vomissements. Et la principale complication du choléra, c'est la déshydratation, mais une déshydratation tellement importante dans certains cas qu'elle peut aboutir à un état de choc et au décès du patient en seulement quelques heures. Et alors la létalité liée au choléra, quelle est-elle, Renaud Piarou ? Si le patient est traité correctement, réhydraté, dans un contexte pas trop catastrophique, on descend en dessous de 1%, ce qui reste quand même pas mal. Si le patient n'a pas d'accès aux soins, s'il n'est pas réhydraté, on peut monter à 10%, voire au-dessus. Alors, l'histoire d'Haïti, l'histoire terrible, on la connaît, ça débute par un tremblement de terre en janvier 2010. Et là, les médias se disent qu'il va y avoir des épidémies, qu'il y a un risque d'épidémie. Est-ce que c'est quelque chose de traditionnel qu'après un tremblement de terre, on voit survenir des épidémies, Renaud Piarou? Alors, ce qui est traditionnel, c'est qu'après un tremblement de terre, on annonce la survenue prochaine d'épidémie. C'est quelque chose de constant. C'est presque pour moi le syndrome du cinquième jour. Quand on en a fini de parler de la catastrophe, on essaye de trouver la prochaine. En réalité, on a été amené avec une petite équipe à faire le point sur plusieurs centaines de tremblements de terre qui ont eu lieu ces 20 dernières années, enfin c'était au début des années 2000, et on s'est aperçu qu'il n'y avait pratiquement jamais d'épidémie, et en particulier pas d'épidémie de choléra. La Pourquoi ? Raison, probablement parce que il y a une prise en charge des victimes, il y a une prévention des maladies transmissibles, le choléra se transmet par l'eau contaminée, et donc il y a des efforts qui sont faits très rapidement pour permettre aux populations d'avoir accès à une eau là aussi, je ne vais pas dire une eau potable, mais à peu près correcte. Et pourtant, vous êtes envoyé 8 mois après le tremblement de terre à Haïti parce qu'il y a une épidémie de choléra et vous allez tenter de comprendre comment cette épidémie a pris racine à Haïti et a infecté de nombreuses personnes, Renaud Piarron. Déjà, c'est 8 mois après. Donc, on voit pour une maladie qui se transmet aussi facilement. Pendant 8 mois, il n'y a rien eu. Donc, le lien avec le tremblement de terre est loin d'être évident. D'autant plus que ça survient ailleurs. C'est-à-dire, c'est pas du tout la zone de Port-au-Prince qui avait été touchée et très gravement par le tremblement de terre qui est concernée au début de l'épidémie. C'est une zone rurale au nord du pays, dans la partie nord du pays, qui voit une explosion du choléra. Quelque chose que j'avais pas vu ailleurs, ou peut-être une fois à Goma en 1994, mais là on avait d'immenses camps de réfugiés et des conditions sanitaires qui étaient catastrophiques. Parce que ça se transmet comment, le choléra ? Donc ça se transmet par l'eau contaminée par les matières fécales. Donc là, finalement, le choléra donne la diarrhée, ça facilite la transmission, évidemment, diarrhée, vomissement. Ça va dans l'eau et les personnes se contaminent en buvant une eau où il y a ce microbe, le vibrio choléré, en grande quantité, parce que si on n'en absorbe que quelques-uns, on ne présente pas la maladie, mais quand il y en a une quantité importante, on présente cette diarrhée, ces vomissements. Et alors, il suffit de chlorer l'eau pour tuer ce microbe ? Ça veut dire déjà qu'on a accès à une eau traitée, ou qu'on peut traiter. Si les gens vont prendre l'eau dans une rivière, ou comme ça s'est passé en Haïti, l'explosion initiale, celle qui fait connaître l'épidémie, même si c'est pas le tout début, a lieu dans une zone de rizière, et les gens travaillent dans la rizière et boivent l'eau des canaux qui irriguent la rizière. Donc là, on va pas chlorer les canaux. C'est là que l'épidémie explose. Mais c'est pas là qu'elle démarre. Et alors, lorsque vous arrivez sur place, qu'est-ce que vous constatez, Renaud Piarron ? Je constate une épidémie inhabituelle, une épidémie beaucoup plus violente que ce qu'on a d'habitude. Déjà, le choléra, c'est quand même quelque chose, c'est une catastrophe. Mais à ce point-là, en l'espace de quelques jours, on est déjà à des centaines de morts, on est déjà à des milliers de cas. Et ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose. Pourquoi ? Ben parce que le choléra, normalement, c'est une épidémie. C'est une personne qui arrive, qui est malade, qui va contaminer quelques personnes dans son entourage, qui vont contaminer d'autres personnes. Tout ça prend du temps. Ça prend minimum des semaines, des mois pour que l'épidémie arrive à son plein. En Haïti, le choléra se déclare par un millier de cas le premier jour officiel de l'épidémie, 2000 cas le jour suivant. Et on comprend pas, on part pas de 0 à 1000 cas ou 2000 cas. Et ça évoque, évidemment, que le point de départ de l'épidémie est en amont et que la population qui a subi l'explosion épidémique a été contaminée par l'eau venant d'amont. Et donc là, on est dans la plaine de l'Artibonite, on est dans les rizières. Et en amont, donc on remonte le fleuve de l'Artibonite, on s'aperçoit qu'une épidémie avait déjà commencé à quelques dizaines de kilomètres dans une ville qui s'appelle Mirbalé. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique ? C'est ce que vous racontez dans votre livre « Choléra à Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre ». Comment essayez-vous de comprendre comment cette épidémie a débuté ? Alors, justement, cette violence, le fait qu'il n'y avait pas de cas avant, puis au premier jour de l'épidémie, 19 octobre, il commençait à y avoir des centaines de cas, le lendemain encore plus, et à une rapidité, en l'espace d'une semaine, peut-être 10 000 cas déclarés, recensés dans la plaine de l'Artibonite, évoque une contamination par un vecteur qui soit commun à toute cette plaine de l'Artibonite. Ce vecteur, c'est le fleuve Artibonite. Donc, pour contaminer le fleuve, bon, ensuite, il faut remonter le courant. Et là, on s'aperçoit donc que autour de Mirbalé, si on va plus loin dans l'investigation, on s'aperçoit que un peu en amont de Mirbalé, il y a un tout petit village. Alors là, on a un village, allez, d'une vingtaine de maisons. Zone rurale, agricole, les gens voyagent pas, n'ont aucun lien avec la mer, n'ont aucun lien avec quoi que ce soit. Mais dans ce village, il y a un camp militaire. Ce camp militaire est un camp des casques bleus de l'ONU et il est occupé par des troupes népalaises. Plusieurs centaines de Népalais qui viennent d'arriver. Ils sont arrivés le 9 octobre, on est vers le 20 octobre. Et au début des premiers cas de choléra, on est le 14 octobre. Donc, quelques jours seulement après, les premiers cas de choléra se déclenchent dans ce village. Et tout de suite, on se demande ce qui se passe au niveau du camp népalais. Chose intéressante, ces soldats viennent du Népal et au Népal, à ce moment-là, il y a une épidémie de choléra. Donc on a vraiment le transfert d'une épidémie d'un endroit à l'autre par des troupes qui arrivent et qui, bon, ne peuvent... on n'a pas pu enquêter à l'intérieur du camp, j'ai quand même quelques témoignages. Les soldats sont tombés malades. Ils ont eu la diarrhée, ils ont eu des vomissements, leurs fosses septiques se sont remplies. Et ensuite, quand on regarde la manière dont l'ONU gérait ou faisait gérer par un contractant privé l'évacuation des excrétas, on s'aperçoit qu'il n'y avait aucune précaution prise. Il y avait des tuyaux qui reliaient le bloc sanitaire à la petite rivière en dessous, là où les habitants du village venaient prendre leur eau. Il y avait un camion qui venait une ou deux fois par semaine vider les fosses septiques, et qui ensuite balançait ça dans la nature, en haut d'une petite butte. Je suis allé voir cette petite butte, on voyait bien la trace des ruisseaux qui descendaient à partir du moment où il y avait une petite pluie ou tout. Donc ça partait, là encore, dans le bassin de l'Artibonite, d'une certaine manière. Est-ce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, ces gens ? Ils savaient qu'ils balançaient de la merde dans la rivière. Après, est-ce qu'ils savaient... Savoir qu'il y avait du choléra, que le choléra se transmet comme ça, non, c'était... Enfin, c'est un chauffeur de camion. Et il se trouve même que juste au... Enfin, c'était plus qu'un chauffeur de camion, parce que ce que vous décrivez dans votre livre, Renaud Pierroux, c'est une volonté politique de ne pas incriminer l'ONU. Oui, je parle pour l'instant du contractant privé qui, lui, fait mal son boulot, comme beaucoup de gens font mal leur boulot. Donc, ils balancent les matières fécales dans la nature. Ils ne se soucient pas de ce que ça va déclencher. Là, ce n'est pas le problème. Par contre, là où il y a une faute majeure de l'ONU, c'est d'avoir fait voyager des gens d'une zone en proie au choléra vers une zone extrêmement vulnérable au choléra, mais qui n'avait jamais eu de choléra, donc du Népal jusqu'en Haïti, de n'avoir pas examiné si les personnes étaient malades au moment où ils les mettent dans l'avion, parce qu'ils les avaient examinés 10 jours avant de les mettre en permission. Donc en fait, ils ont attrapé le choléra pendant leur permission. De n'avoir donné aucun traitement éventuel, de n'avoir pas donné de vaccination, il existait un vaccin à ce moment-là. Il existe un vaccin contre le choléra ? Oui, il n'est pas 100% efficace, mais ça aurait peut-être pu prévenir une épidémie dans le camp. Et puis, quand il y a eu des personnes qui ont eu de la diarrhée, des vomissements, on ne retrouve rien sur le registre du camp. Il n'y a pas eu de cas de diarrhée, il n'y a pas eu de cas de vomissement. Est-ce que ça veut dire que dans le cas donc, de soldats dont on peut imaginer qu'ils étaient en bonne santé, le choléra n'a pas de prise, en tout cas pas de prise suffisante pour alerter, si on confond ça avec une maladie anodine ? D'abord, c'est ce que j'étais en train de dire, il n'y a aucun cas de diarrhée, de vomissement recensé dans le registre du camp. Et pourtant, la fosse septique, et ça ne peut pas être autrement, se remplit de liquide plein de vibrio choléré. Il y a un problème. Il y a un problème. Des travailleurs haïtiens qui étaient dans le camp repèrent que les personnes ont des vomissements, des personnes qui ont mangé avec les soldats tombent malades, ont le choléra et meurent, mais les soldats, officiellement, n'ont jamais eu le choléra. C'est juste pas possible. Et donc là, il y a déjà une première volonté de cacher ce qui s'est passé. Ne serait-ce que si vous voyagez, ou si nous voyageons, en gros, si on fait un séjour de 15 jours dans un pays en développement, on a 20% de risque d'attraper une maladie diarrhéique. Si vous faites voyager des centaines de personnes, vous aurez forcément des dizaines de personnes qui attrapent la diarrhée. Là, il n'y en a pas eu. Mais moi, j'y crois pas. La fosse septique se remplit. Et ensuite, il y a l'élimination. Autre problème, c'est toute la gestion sanitaire de ces fosses septiques qui est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Alors, justement, Renaud Pierroux, vous expliquez dans votre livre comment, en remontant donc la chaîne de responsabilité, vous allez vous retrouver face à cette évidence, c'est-à-dire incriminer donc un camp de soldats de l'ONU, et comment finalement face à cela, eh bien l'organisation va nier jusqu'au bout de manière absolument politique et au mépris des évidences. Racontez-nous dans quelles circonstances tout cela s'est déroulé. Donc finalement, comme on l'a vu avec la déclaration de Ban Ki-moon, il a fallu 6 ans pour une reconnaissance du bout des lèvres. On s'excuse pour notre rôle. On ne dit pas quel a été le rôle, mais on s'excuse pour notre rôle. Il a fallu 6 ans, et pendant 6 ans, l'ONU a fait plus que nier. D'abord, un certain nombre d'agences de l'ONU sont intervenues, sont montées au créneau. Alors d'abord la MINUSTA, c'est la mission de stabilisation d'Haïti, donc les soldats qui ont expliqué que le choléra était arrivé au mois de septembre à un autre endroit, au bord de la mer, donc racontant quelque chose complètement différent de la réalité, dès le lendemain de la déclaration de l'épidémie. Ils font un communiqué de presse, ils ont des informations qu'ils ont eues du ministère, le choléra a commencé à se tendre, donc sur la zone côtière. Pas du tout dans le centre du pays, au niveau de ce camp militaire. La Pan American Health Organization, donc l'OMS locale, va embrayer aussi et va publier, après avoir publié une première carte qui montre très clairement les cas de choléra le long du fleuve Artibonite jusqu'à Mirbalet, donc de Mirbalet jusqu'à la mer, ils vont se mettre à publier des cartes qui oublient les cas du côté de Mirbalet. Et on ne voit plus finalement que les cas au début de l'épidémie le long de la zone côtière. Ou donc là, on voit bien qu'on a affaire à une manipulation politique. Ça met un peu, enfin, ce qui va être de plus en plus clair, c'est quand on voit une autre agence de l'ONU, l'OCHA, qui est l'organisme de coordination des affaires humanitaires, qui elle aussi va changer progressivement avec un jeu sur les légendes des cartes en l'espace de quelques jours. C'est son explication du choléra pour le faire démarrer lui aussi au bord de la mer. Donc le choléra démarre officiellement au bord de la mer, à des dizaines de kilomètres de là où se trouve le camp, et plus personne ne peut dire, tiens, ça a démarré à Mirbalet, il faudrait chercher ce qui se passe à Mirbalet. Et donc, il n'y a pas d'investigation autour de Mirbalet, ni dans le petit village qui s'appelle Mey, à quelques kilomètres de Mirbalet. Et c'est la raison pour laquelle, finalement, le gouvernement haïtien demande à l'ambassade de France de faire venir un épidémiologiste. Mais cette raison n'est pas annoncée d'emblée. Mais ils ne peuvent pas se retourner vers l'OMS. Ils ne peuvent pas se retourner vers leurs voisins américains avec un institut d'épidémiologie qui s'appelle le CDC, Center for Disease Control and Prevention. Ils peuvent pas se retourner vers eux parce que on leur répond, ça ne nous intéresse pas, c'est pas important de savoir l'origine de l'épidémie. Et donc, ils viennent me demander. Et pendant, donc, des années, l'ONU va tenter de faire croire que, d'abord que ça a commencé du côté du bord de la mer, et ensuite que finalement c'est une cause multifactorielle, compliquée, où l'environnement haïtien joue un rôle essentiel dans l'explosion épidémique. Et donc finalement, on pouvait pas prévoir ça, on pouvait pas éviter ça. Et donc bien sûr, on écarte les soupçons des soldats népalais. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils y croient et qu'il faut fabriquer un mensonge, ou parce qu'ils sont dupes de leur mensonge, d'après vous? Ah, le mensonge est fabriqué. Quand on voit les cartes de Ocha, très clairement, on voit très bien l'évolution des légendes qui indiquent une fabrication. Et les Américains sont dans le mensonge? Quand vous dites que le centre... Les Américains sont très soucieux d'éviter qu'on imagine que le choléra ait pu être apporté par l'ONU. Ça leur pose un gros problème. Il y a Wikileaks, il y a des éléments aussi de... il est possible aux États-Unis de pouvoir avoir communication, des échanges de messages dans les administrations. Et là, on voit qu'au sein du CDC, cet organisme qui fait l'épidémiologie, il y a un vrai souci de préparer la communication si par hasard on s'apercevait que la souche ressemble aux souches asiatiques. Et ce souci, c'est pour éviter que les Haïtiens n'imaginent que le choléra a été apporté par les soldats népalais. Est-ce que cette volonté de ne pas savoir est une volonté qui a tué plus encore, ou est-ce qu'elle est malheureusement une volonté politique dont on comprend le sens, mais qui n'a pas tué plus de gens en Haïti, Renaud Pierroux ? Elle a tué plus encore. Bien sûr, quand l'épidémie explose, ça va tellement vite, on ne peut pas faire grand-chose. 2010, 2011, même 2012, il y a plus de cas en Haïti que dans, par exemple, toute l'Afrique subsaharienne, qui a à peu près le même niveau de vie et le même système de surveillance du choléra. Donc quelque chose qui peut être comparable, surtout 2010-2011. Au début de 2012, on a une accalmie. Si on avait à ce moment-là 1000 paquets pour traiter les derniers foyers, comme sur un incendie finalement, essayer de traiter les dernières zones où il y a des flammes, avant que l'incendie, c'est le vent qui ravive les flammes, le choléra lui est ravivé par les pluies. Les pluies jouent un rôle important puisque le choléra, c'est dû à la contamination des eaux de surface et les pluies vont favoriser cette contamination. Si on avait fait un effort important à ce moment-là, on pouvait enclencher une spirale vertueuse de diminution du nombre de cas, de contrôle des épidémies à la reprise des pluies et on sortait de cette épidémie. On ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, l'idée qui prévaut est que, oui, probablement, finalement, les soldats népalais sont en cause, puisqu'entre-temps, il y a eu une preuve ADN. La souche provenant du Népal était identique, totalement identique à celle d'Haïti. Mais on ne le fait pas parce que, à côté de ça, grâce à l'intervention d'un certain nombre de scientifiques, une hypothèse environnementale, quand même, a vu le jour. Le choléra a explosé en Haïti parce qu'il a proliféré dans l'environnement. Et finalement, le rôle de l'apport de la souche est peu moins important parce qu'il aurait proliféré dans l'environnement. Mais quand on dit ça, on dit aussi que le choléra est dans l'environnement et qu'il y aura toujours des cas de choléra en Haïti. Et ça, c'est écrit au tout début du plan de lutte contre le choléra, écrit fin 2012. On part dans la lutte contre le choléra en disant on ne pourra pas l'éliminer. En partant comme ça, on ne se donne pas les moyens d'éliminer et on a une persistance de l'épidémie à un niveau relativement élevé jusque fin 2016. C'est ce que vous racontez dans votre livre. En conclusion, Renaud Pierroux, ce mensonge politique, il a eu des conséquences politiques ? Oui. Le mensonge a eu des conséquences politiques. Fin 2016, Ban Ki-moon s'excuse. Alors les conséquences sont importantes. Il s'excuse et il annonce un plan de lutte. Il annonce 400 millions pour lutter contre le choléra. Ça aurait été mieux de les avoir avant. Bon, rassurez-vous, on ne les a pas eus. Mais la lutte contre le choléra a eu quand même un peu plus d'argent, un peu plus de possibilités. Et à partir de fin 2016... Le choléra, le nombre d'équipes intervenant sur le terrain devient suffisamment important pour maîtriser le choléra. Et aujourd'hui, ça fait 3 mois, le jour où je vous parle aujourd'hui, ça fait 3 mois qu'il n'y a pas eu un seul cas de choléra. Ah oui, donc c'est très récent. C'est très récent. Mais pendant 2 ans, de début 2017 à 2019, le choléra a été maîtrisé pour arriver à 0 cas à partir du mois de février. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que les soldats de l'ONU ont dû partir. Comme par hasard, dans le courant de l'année 2017, la MINUSTA est remplacée par une autre mission qui est la MINUSJUST, qui va rester encore 1 an ou 2 et qui va partir d'ici quelques mois maintenant. Donc l'ONU, et c'est des diplomates qui m'ont expliqué ça, a été contraint d'abandonner le Haïti à cause de cette épidémie de choléra. Vous racontez tout ça dans un livre absolument terrifiant et passionnant, Renaud Pierroux, Choléra Haïti 2010-2018, histoire d'un désastre aux éditions du CNRS. Je rappelle que vous êtes chef de service à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Superfell a été déglingué par Daphné Abgral à la production, saccagée par José Bernays à la technique et ruinée par Alexandra Longuet à la réalisation. Superfell.